À l'occasion du 15 août, Choi Il-min, représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste et ses collaborateurs, ont déposé le 13 la corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage. Le même jour, ils ont déposé un bouquet de fleurs devant le buste de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, érigée au cimetière des martyrs révolutionnaires du Mont Daesung.